Pardon, madame, je cherche la gare de Lyon-Perrache, s'il vous plaît. Ah oui, c'est tout près. Vous traversez et vous tournez à droite. La gare est devant vous. Merci, madame.